vulgarisation scientifique par Étienne Klein. Aujourd'hui, de la philosophie des anagrammes. Chères auditrices, chers auditeurs, comme vous le savez tous, les anagrammes surgissent lorsqu'on mélange les lettres d'un mot ou d'une expression en vue de former un nouveau mot ou une nouvelle expression. C'est ainsi que Marie est l'anagramme bien connu d'aimer, que Raphaël est celle de la harpe, et que la conversation scientifique est l'anagramme de ce qu'on sait à côté vers l'infini, ce qui correspond un peu, je l'espère, à l'esprit de notre émission, même si ce vers l'infini est un peu prétentieux et qu'en plus, je ne sais pas très bien dans quelle direction il se trouve. Comme la campagne des élections présidentielles semble avoir commencé, je suis tenté d'ajouter un dernier exemple. La spirale de la surenchère contient exactement les mêmes lettres que l'arsenal de la supercherie. Loin de secréter quelque sens caché du monde, les anagrammes consistent d'abord et avant tout à jouer avec la matrice orthographique des mots. Cette saine occupation ne donne pas toujours de bons résultats, mais il arrive qu'elles produisent des pépites si fascinantes qu'elles nous rendent kabbalistes à l'insu de notre plein gré. La recherche d'anagrammes ressemble en somme à la cueillette des cerises. On doit prendre les belles et laisser sur l'arbre les mauvaises. Aujourd'hui, je vous propose que nous discutions du lien qu'ont ou que n'ont pas les anagrammes et la philosophie. Pour cela, j'ai invité deux personnes, Raphaël Antoven, philosophe, homme de radio bien connu des auditrices et des auditeurs de France Culture. Bonjour Raphaël. Bonjour Étienne. Et Jacques Périssalkov, pianiste, poète, trouveur et trouveur surdoué d'anagrammes vertigineuses qui laisserait pantois n'importe quel logiciel prétendant lui faire concurrence. Bonjour Jacques. Bonjour Étienne. Alors tous les deux, vous publiez ces jours-ci « Anagrammes pour lire dans les pensées », livre profond et savoureux que vous avez donc coécrit et qui est très joliment illustré par Cheng, plus exactement par Cheng Jianghong, j'ai bien prononcé. Chen Jianghong, c'est un peintre chinois dont alors les enfants connaissent son travail parce que il a beaucoup collaboré à l'école des loisirs. Et bien des livres de l'école des loisirs ont été dessinés par Chen, qui ensuite est passé à la peinture abstraite. C'est un peintre fabuleux. Et quel est son anagramme? Ah ça, je ne sais pas. Jacques. Il faudrait peut-être le faire dans la langue d'origine. Non, là, ça résiste vraiment. Alors Jacques Périssalkov, j'ai une première question pour vous. La question c'est comment vous faites ? Découvrir que le chaos a pour anagramme la chose, c'est à la portée de tout le monde, enfin de presque tout le monde. En revanche, découvrir que cette phrase célèbre de Blaise Pascal, « L'homme n'est qu'un roseau le plus faible de la nature, mais c'est un roseau pensant », découvrir que cette phrase a pour anagramme « Où est l'homme traînant sa peur auquel Pascal, frêle et usé, donna un sens sublime ?» C'est à la portée de personne, sauf de vous. Donc comment est-ce que vous trouvez les anagrammes? Est-ce que c'est un problème cérébral? Un problème d'insomnie? Oui, ça, certainement. D'ailleurs, mon médecin, à l'époque où je dormais pas assez, me disait « pas d'anagramme après midi ». Parce qu'il y a une persistance de l'anagramme, on continue à chercher pendant le sommeil, c'est très difficile de mettre son cerveau en veille. Mais j'ai peur de vous décevoir parce que j'ai pas vraiment de méthode. C'est simplement ce qui m'aiguillonne, c'est le sentiment d'un secret caché, d'une énigme, comme si les mots, la lecture littérale d'un mot n'épuisait pas tout son dire. Comme s'il y avait un surcroît de sens. Mais est-ce qu'on peut trouver des anagrammes sans voir les lettres? Par la mémoire, par une espèce d'imagination de ce qu'elles sont. Oui, ça m'arrive souvent un peu de chercher, mais c'est un peu risqué parce qu'on fait souvent des erreurs. Mais on ne les entend pas, les anagrammes, à la différence des contrepétries. Non. Il y a quelques exceptions, par exemple, le commandant Cousteau, on entend presque que ça donne tout comme ça dans l'eau. Oui, mais dans la plupart des cas, on ne peut pas les entendre. Donc c'est un effort très différent de celui qu'il faut produire pour trouver des contrepétries. Oui, c'est du domaine de la manipulation. C'est un exercice très cérébral, mais c'est passionnant pour moi. C'est comme une énigme, comme une enquête. J'attribue vraiment aucune dimension ésotérique à l'anagramme. Penser qu'une volonté supérieure y aurait mis de la malice, des messages secrets, non, moi ça m'intéresse pas. Le merveilleux me suffit, quoi. La métamorphose d'un mot en un autre, Ça, c'est comme un tour de passe-passe. Comment est-ce que vous vous êtes rencontrés tous les deux, Raphaël et Jacques ? C'est à Jacques que je dois cette rencontre qui m'a enchanté. Juste un mot sur la méthode de l'anagramme qui me fascine, Étienne, c'est que ce qui est extraordinaire, c'est que quand on a ce talent, quand on est capable de faire surgir un anagramme d'un syntagme, une anagramme d'un syntagme, l'occasion est bonne de dire aux auditeurs que l'anagramme est féminine, quand on a cette liberté-là, quand on est capable de faire ça, on donne aux autres le sentiment qu'au fond, ils avaient ça sous les yeux, mais qu'ils ne savaient pas voir. Et aucun exercice ne donne davantage que l'anagramme le sentiment que le monde n'est merveilleux que si on est capable de le regarder de près ou avec l'attention suffisante. Au fond, le merveilleux est dans l'œil de celui qui regarde les mots. On voit la nuit des étoiles filantes, c'est une anagramme de Jacques. Vous voyez écrit la nuit des étoiles filantes. Bon, vous ne voyez rien, vous voyez juste des étoiles filantes. Que voit Jacques ? Il voit lointain satellite de feu. Et quand on a ça sous les yeux, si j'ose dire, le monde est élargi. Alors bien sûr, il n'y a pas de secret de l'anagramme, il n'y a pas d'envers du décor, il n'y a pas de cabale ou de cabalistique latente, etc., etc. Il ne s'agit pas de faire de l'ésotérisme. Mais quand même, d'ajouter une image ou une représentation à une autre. On ne voit pas la même chose quand on voit la nuit des étoiles filantes et quand on sait que la nuit des étoiles filantes donne lointain satellite de feu. Ou bien quand on écrit question sans réponse et qu'on découvre que l'anagramme c'est enquêtons sans espoir. Oui, alors ça c'est formidable par exemple, parce que question sans réponse, en philosophie, on dit toujours, c'est une phrase de Jaspers qui dit, de Karl Jaspers, qui dit que en philosophie, l'essentiel, ce sont les questions, pas les réponses. Alors, c'est une phrase qu'on donne beaucoup aux élèves de terminale. Mais c'est une phrase qu'on comprend mal, parce que ça peut vouloir dire à la fois que il existe au-delà de nos questions une réponse absolue que le philosophe ne peut pas saisir, comme ça peut vouloir dire aussi que ce qui compte dans l'existence n'est pas de répondre, mais de questionner les questions elles-mêmes. Et cet anagramme me permet, à moi qui fais les textes qui font le lien entre l'énoncé et l'anagramme, me permet d'ouvrir cette alternative et de la proposer au lecteur. En un mot, pour vous répondre sur la façon dont on s'est rencontré avec Jacques, c'est Jacques qui un jour m'écrit en me disant que si on fait un livre d'anagramme ensemble, eh bien la matière deviendra ma réalité. Je vois ça, je suis stupéfait. J'ajoute que, alors à ce moment-là, je lui réponds en lui disant civilement, mais écoutez, cher monsieur, rencontrons-nous au café de la Rotonde. Et il me répond du tac au tac, formidable, on y boira un carafon de Tolède. Donc j'étais convaincu avant même qu'on se retrouve. Après, on est arrivé, on a parlé de Cioran tout de suite, et il m'a appris que Émile Cioran donnait l'acrimonie. Ce qui, quand on a un peu lu les textes du roumain, sonne tellement juste qu'on en reste... Est-ce que le roumain était au courant ? Roumain, trop roumain ? Non, je crois pas. Il était au courant de son anagramme ? Non, je pense pas. Mais il aurait été émerveillé de s'apercevoir que son prénom, par un hasard miraculeux, contenait son humeur. Alors, vous avez écrit les textes qui font la transition entre la première phrase et puis son anagramme. Parfois, il n'y a pas de texte tellement c'est fulgurant. Mais les textes sont le plus souvent inutiles. Hein, c'est Ah non, je ne suis pas d'accord. Non. Et par exemple... la solidarité. Droit à l'asile, pardon. Oui, ça vous le connaissez mieux que moi. Et le sectarisme. Ah, le sectarisme, c'est magnifique. C'est la misère. Prenez le syntagme, le sectarisme, et ça donne c'est la misère. Alors là, pour le coup, moi j'avais un petit peu développé les choses, parce que c'était l'occasion de balancer deux ou trois grenades à la figure des sectaires, justement. Mais même là, ça se suffit à soi. C'est comme le Front National qui donne l'entonnoir fatal. Je vais pas ajouter un commentaire à ça, c'est pas la peine. Mais par contre, vous avez ajouté un commentaire pour le passage de Carpe Diem à... Ça déprime, qui est quand même une vérité profonde. Oui, je l'ai ajouté parce que c'était l'occasion pour moi de rappeler que derrière toute philosophie du bonheur, tout eudémonisme, il y avait des postulats désespérants. Que toute philosophie du bonheur se donnait pour principe que ça n'allait pas durer et qu'il fallait en profiter tant que ça dure. Et on oublie de penser que tout homme qui choisit d'être heureux précisément parce que la vie n'est pas heureuse. Et c'est le désespoir au principe du bonheur qui était contenu dans le renversement de Carpe Diem, profite de l'instant, profite de la journée, en ça déprime, qui m'a laissé perplexe. Mais c'est ce qui fait que ce petit livre est un livre de philosophie, il y a 148 anagrammes je crois, ou 150 ? J'ai pas compté. Il y a 148 pages, mais 160 pages. C'est un livre d'anagrammes, dont l'auteur est l'auteur des anagrammes. Néanmoins, il se trouve que l'angle de vue, ou l'angle d'attaque, à la demande de Jacques, était la philosophie. Et donc j'en ai profité pour distiller quelques leçons. Mais est-ce qu'on découvre les anagrammes, Jacques Berezalkov, ou est-ce qu'on les invente ? Moi, je suis simplement un découvreur, et d'avoir toutes ces interprétations que Raphaël nous montre la portée de ces anagrammes, pour moi, c'est un vrai bonheur. Quoi. Ouais. Parce qu'en amont de ça, il y a un discours sur la création en amont de ça. Qu'est-ce que c'est qu'un créateur ? Est-ce qu'un créateur, c'est quelqu'un qui fabrique ex nihilo quelque chose qui n'existait pas du tout avant ? Ou est-ce qu'un créateur, c'est quelqu'un qui réarrange comme un puzzelier, au fond, la matière qui lui est donnée ? On part d'une matière. L'idée que la Genèse a besoin de glaise, qui n'avait pas rien du tout avant, c'est ça qui est intéressant. Dans la Bible, il y a deux versions de la Genèse. Il y en a une qui est ex nihiliste et une qui s'appuie sur la glaise initiale. Et on est dans cette perspective-là. Est-ce que vous seriez d'accord, Jacques Berezalkov, pour dire que quand c'est l'anagramme de deux mots ou un seul mot, c'est plutôt de la découverte. En revanche, quand c'est une longue phrase comme celle de Blaise Pascal que je citais tout à l'heure, c'est plutôt de l'invention. C'est-à-dire que on extirpe. Il est vrai que il y a énormément de lettres, mais il est vrai que l'anagramme est déjà là. Hein. Elle est là dans les possibles, mais c'est un vrai travail sur la langue, sur le goût intervient, la musicalité, et puis l'intuition. Ce qui est étrange, c'est que l'intuition n'est pas étrangère à l'exercice. On pourrait penser que c'est purement... Les logiciels d'anagramme ne l'ont pas. Oui, voilà, c'est ça. Je pense, un logiciel n'aura jamais une intelligence poétique, entre guillemets. Rares sont les logiciels qui auront l'idée de trouver que l'anagramme d'Albert Einstein, c'est « rien n'est établi ». Non, les logiciels, ils trouvent « inerte instable » ou « inertiel absent ». Voilà. Ça, c'est la trouvaille de Jacques Perry, il faut le dire. Hein. Ouais. Albert Einstein donne « rien n'est établi ». Il y a une trouvaille que j'ai trouvé extraordinaire, et là, je peux témoigner, parce que j'ai essayé. Qu'aucun logiciel ne peut le trouver, le réchauffement climatique. Le réchauffement climatique a pour anagramme ce fuel qui tache le firmament. C'est étonnant. Hein, le rêve américain. La vie mercenaire. L'État islamique. Ah, ça, c'est très beau. Islamique, je vous laisse la dire, Jacques. En fait, c'est parti. On a mis l'anagramme en premier. Qui attise le mal ? L'État islamique. Et ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est que le chemin qui surgit quand on a l'énoncé, puis l'anagramme, la bonne anagramme, ce chemin qui apparaît est un chemin intuitif. Et c'est un chemin qu'on a beaucoup beaucoup de plaisir à parcourir ou à décrire un tout petit peu pour le lecteur et à moi. Ce qui est fou, c'est que, évidemment, l'anagramme ne veut rien dire. Évidemment, l'anagramme n'est pas le secret d'un énoncé ou d'un mot ou d'une expression. Mais l'anagramme, parfois, offre la possibilité de distendre, d'étendre l'expression, de l'examiner, de la scruter, de l'approfondir. Et c'est là que le jeu relève, non seulement de l'esprit, mais aussi de l'intelligence. Voilà. Jacques Berezalkov, j'ai l'impression que, évidemment, quand vous cherchez des anagrammes, vous en trouvez en général plusieurs ou pas du tout, mais rarement une seule. Et qu'est-ce qui fait que vous décidez que c'est celle-ci plutôt que celle-là qui est l'anagramme avec un grand A, c'est-à-dire celle que vous allez publier ? Ouais, encore une fois, c'est vraiment purement intuitif. Effectivement, il y a des anagrammes, des fois il y a beaucoup de solutions, c'est là que la langue intervient. Il faut aussi qu'elle ait une certaine musicalité, qu'elle ait du sens. Et à un moment donné, ça s'impose à vous. Vous dites ça, c'est l'anagramme, quoi, comme un peu la face cachée de la lune. Est-ce que je peux me permettre de citer ce que je considère comme un chef-d'œuvre ? Liberté, égalité, fraternité. Ça donne... Et vous avez réussi à, c'est Raphaël, je pense, qui a écrit le texte, à caser l'affaire Strauss-Kahn. Implicitement. Puisque ces trois mots ont pour anagramme mis ensemble ébriété, flirt et galanterie. Je me permettrai d'ajouter que c'est la preuve qu'il vaut mieux avoir de la suite dans les idées que des idées dans la suite. Elle est très bonne. C'est très bien. C'est très bien. Y a aussi le travail, la famille, la patrie. Ah oui. Qui donne, pardon, je cite Jacques Perry, hein, mais la villa, le mari parfait, la télé. Ce qui est très intéressant parce que ça tire le pétainisme du côté d'une idéologie du confort. Mais alors là encore, il n'y avait pas besoin de rajouter un commentaire ou un texte, ça aurait été superflu. C'est le pétainisme plus la télé quand même. Oui, c'est le pétainisme plus la télé, effectivement. C'est une valeur ajoutée au pétainisme. D'ailleurs, le maréchal Pétain est une anagramme intéressante aussi. Oui. Oui, place à Hitler, amen. Voilà. Ou président Erdogan. Président Erdogan, que Jacques Perry a trouvé là il n'y a pas longtemps, président Erdogan donne grande prison d'été. Alors c'était vrai avant que Erdogan ne décide de couper la tête de la moitié de son pays. Je veux dire, c'était vrai avant qu'il ne décide de passer à l'action. C'est ça qui est fou. C'est ça qui est merveilleux. C'est là qu'on est à la lisière de la découverte et de la création. Et quand l'anagramme rencontre l'actualité, c'est encore plus fort. Par exemple, la crise de l'autorité, le droit à la sécurité. Mais bien sûr. Bien sûr. Mmh. Ou bien, encore, là encore, c'est Jacques Perry, le président Ali Bongo. Ça donne, Jacques ? Gabon, le solide Pétrin. Voilà. Quand on tombe accessoirement sur une vérité, c'est une cerise sur le gâteau, mais je pense que l'émerveillement reste l'intérêt principal de l'anagramme. Et l'anagramme établit des ponts entre des mots. Et ces mots n'avaient aucune chance de se rencontrer, peut-être, dans aucun livre. Et grâce à la contrainte, puisque c'est une contrainte énorme. Littéraire, voilà, ces mots ont la chance de se côtoyer. Démocratie. De l'art de la comédie. C'est dingue, ça. Mais comment le sens surnage ? Les mots sont distendus et le sens surnage. Le sens survit, et parfois on le retrouve. La minute de silence donne calme, danse, inutile. Qui conteste ça ? Que le sens survive à la gymnastique des lettres, alors que ce sont deux régimes complètement hétérogènes en apparence, moi c'est ça qui me laisse à chaque fois stupéfait. Oui, on a envie de dire « c'était écrit ». C'est ça, ouais, on a mais envie en fait, de dire « c'était écrit ». Non, mais il y a des cas où la phrase est très longue et on est stupéfait de voir qu'on peut trouver une autre phrase qui a du sens, qui fait écho à la première. Mmh. Et puis d'autres cas plus simples où c'est un seul mot, comme Antigone. Ah oui, ah oui. Antigone qui donne négation. Négation. Et alors ça, quand Antigone donne négation, pour le coup, c'est utile de faire un peu de philo, parce que ça permet de rappeler qu'on a trop souvent réduit Antigone à l'image d'Épinal d'une adolescente révoltée, ouais, alors qu'Antigone est d'abord celle qui, par amour, agit. Elle n'agit pas que par négation, elle agit aussi par abnégation. Donc ça permet de jouer avec les mots dans le texte qui conduit d'un terme, enfin d'un prénom en l'occurrence, à son anagramme. Vous écoutez France Culture, la conversation scientifique par Étienne Klein. Alors vous savez les amis, c'est une émission scientifique. Donc, il faut quand même parler un peu de science. Et je voulais vous rappeler que chercher des anagrammes, ça n'est pas qu'un jeu. Dans le passé, il y a eu un usage très sérieux des anagrammes. Par exemple, pour communiquer ses découvertes les plus nouvelles et les moins sûres, Galilée se servait d'anagrammes qu'il envoyait à d'autres astronomes, qui étaient aussi ses concurrents. Ce procédé lui permettait de s'assurer de la priorité de ses observations, tout en lui donnant le temps de les vérifier et de les affiner. Par exemple, un jour, enfin c'était plutôt une nuit, Galilée a remarqué, grâce à sa lunette, la forme singulière de la planète Saturne. il crut que Saturne était constitué de 3 planètes agglutinées, une grosse et 2 petites. Et pour se poser en père de cette découverte, il a envoyé à Kepler, qui était à Prague à l'époque, une suite de lettres apparemment sans aucun sens, et Kepler a fini par trouver une anagramme latine de ce Salmigondi, et ça a donné « Salue umbisteneum geminatum Marcia Proles ». Vous me pardonnerez mon mauvais accent. Ce qui signifie en bon français « Salut, double protection du bouclier, engeance de Mars ». En clair, Kepler crut comprendre que Galilée avait découvert 2 satellites, double protection, de Mars, puisque l'emblème de la planète Mars, c'est le bouclier. Un peu plus tard, Galilée a dévoilé la bonne solution de son anagramme, et c'était « Altissimum planetam tergeminum observavi », ce qui signifie « J'ai observé que la planète la plus haute est trijumelle ». La planète la plus haute, c'est Saturne. Elle serait donc constituée de 3 corps différents. En fait, Galilée avait découvert les anneaux de Saturne. Or, ce qui est extraordinaire, c'est que la traduction de Kepler, qui n'était pas la bonne, qui était mauvaise... Lui a donné l'idée de fouiller du côté de Mars ? Non, n'était pourtant pas fausse. Oui. Parce qu'on a découvert bien plus tard, en 1877, incroyable, que la planète Mars a bien 2 satellites qui s'appellent Phobos et Deimos. On voit par cet exemple que même lorsqu'elles sont mal traduites, les anagrammes peuvent faire surgir par pur hasard des vérités cachées, des vérités enfouies à la fois dans le coffre des mots et dans le ciel des astronomes. Est-ce que c'est un hasard ? Pas vraiment, parce que Kepler s'était laissé guider dans sa recherche par un argument. Galilée avait découvert que Jupiter a 4 satellites. Il savait que la Terre en a 1, la Lune, et il pensait donc que Mars, qui est entre les 2, devait en avoir 2, en vertu d'une prétendue harmonie à laquelle il croyait. Et ça, ça a été très loin, puisque ça a donné à Huygens l'idée que on devrait avoir recours à l'anagramme à la fois pour révéler et pour voiler les découvertes. Et en 1669, Huygens a écrit à la Royal Society de Londres pour lui proposer d'officialiser l'utilisation des anagrammes pour préserver les droits de la propriété intellectuelle sur une découverte. Il écrit « Je demande à ces messieurs de la Royal Society s'ils trouveraient bon que je leur envoyasse en anagramme ce que je pourrais avoir de propositions et d'inventions nouvelles pour les leur expliquer ensuite et que ceux d'entre eux qui en ont fissent d'eux-mêmes. » Fin de citation. Et ça a été accepté. Et pendant quelques années, la Royal Society a reçu des découvertes rédigé sous forme d'anagramme. Huygens lui-même en a adressé 14 portant sur des découvertes qu'il avait faites en optique ou à propos du mouvement des pendules. Mais bien sûr, ça n'a pas duré parce que c'est un peu tortueux quand même comme procédé. Au point que le 4 juillet 2012, lorsque les physiciens du CERN ont annoncé qu'ils venaient de découvrir le boson de Higgs, qu'on appelle aussi le boson scalaire, ils ne l'ont pas fait en clamant qu'ils venaient de mettre au point une bière sans alcool, qui est pourtant son anagramme. Le boson de Higgs ? Non, le boson scalaire, bière sans alcool. Ah, le boson scalaire, bière sans alcool. Et cogito ergo sum, puisque vous avez latinisé. Ah, c'est plus de la science. Ah, on n'est pas loin, c'est la fondation de la science, camarade. Cogito ergo sum, comme on disait en Cagne, ça donne gusto mico regno. Je goûte, je palpite, je gouverne. Enfin, ça fonctionne très bien parce que Descartes est celui qui dit que on pense tout le temps. Tout est pensé. Tout est pensé. Mange, quand sentir, j'imagine, quand je sens, aussi, je pense. Ouais. Et là, ça donne gusto, mico, regno. Et là encore, c'est le secret à mots couverts. C'est exceptionnel. C'est ce que tu viens de raconter là sur Galilée. Mais Galilée livrait ses anagrammes en classant les lettres par ordre alphabétique. Hein. Il ne donnait pas la phrase. Parfois, il mettait en effet les lettres les unes derrière les autres. Enfin, il faisait une sorte de produit, c'est-à-dire qu'une lettre qui était là plusieurs fois, il l'élevait à la puissance 2, 3, 4, 5 en fonction du nombre d'occurrences. En fait, ça a à voir avec la non-commutativité des lettres. C'est-à-dire, si on change la position de deux lettres dans un mot, on change le mot. Donc, c'est non-commutatif. C'est non commutatif, et encore une fois, j'insiste là-dessus, parfois, le hasard veut que le sens permane. La liberté de la presse, ça donne la prière et des balles. Bon, alors, évidemment, ça n'aurait aucun sens en amont de Charlie Hebdo. On va plomber l'atmosphère, non, mais c'est le cas de le dire, oui. mais c'est la vie ou l'actualité qui commande de trouver ça stupéfiant. Ça l'était déjà avant, seulement on ne l'aurait pas trouvé. On l'aurait pas trouvé parce qu'on n'est pas attentif. Mais est-ce que ça a joué? Est-ce que cet attentat a joué dans la recherche de l'anagramme, Jacques? Ben oui, parce que moi c'est ma façon de j'ai besoin aussi d'exprimer. On a tous besoin d'exprimer sa peine ou d'avoir des réponses, si tant est qu'il y en ait, quoi. Et donc, moi, je me suis, à cette époque, j'ai fait quelques anagrammes là-dessus, quoi. Un jour, j'envoie un mail à Jacques et je lui dis, la bonne nouvelle de tout ça, c'est que tout le monde se précipite sur le très beau livre d'Hemingway, Paris est une fête. Réponse de Jacques, oui, Paris est une fête, mais, et Paris est en feu. Ce qui est l'anagramme. Ouais. L'autre face. L'autre face de Paris est une fête, c'est Et Paris est en feu. Alors, si on prend l'actualité récente, Jacques, par exemple, la canonisation de Mère Teresa, vous avez quelque chose à dire? Pas directement, mais Sœur de la Charité, cela donne Christ à l'eau de rose. Ce qui met... Et le pape François? Le pape François? Profane spécial. C'est le moins qu'on puisse dire. Profane spécial, c'est le moins qu'on puisse dire. Et cette stupeur, encore une fois, est une ouverture sur le monde. C'est pas une clôture du langage sur lui-même. Et ça, il faut le dire, au-delà des anagrammes de l'Oulipo, de façon générale, de tout ce qui relève de l'ouvroir de littérature potentielle, de tout ce qui relève des jeux avec les mots. Les jeux avec les mots sont pas une clôture du langage sur lui-même, c'est au contraire une façon pour les mots de multiplier les images auxquelles ils sont associés et d'ouvrir l'esprit du lecteur. Mais messieurs, vous avez peu de chance d'être traduit, toutefois. Oui, ça c'est vrai. C'est vrai. Encore, il existe de très belles anagrammes anglaises. Oui, mais c'est pas des traductions des françaises. Non, c'est vrai. Mais c'est vrai ce que tu dis, Raphaël. Je pense aussi au linguiste Ferdinand de Saussure. Qui disait que le texte est une matrice de signifiants permettant des significations infinies accessibles par des clés. L'anagramme est une clé. En fait, c'est comme si le texte ou le mot est chargé de possibles et n'est pas fini en soi, quoi. N'est pas limité à sa définition. Et c'est fou la richesse d'une expression, d'un syntagme à la seconde où on se penche dessus et on décide d'y trouver un filon. On y arrive toujours, et ça, c'est éblouissant. Alors, non. C'est vrai qu'il y a, comme je dis souvent, il y a des mots, des expressions qui restent silencieuses, qui n'ont rien à dire. Sauf ce qu'elles disent déjà. Oui, voilà, c'est ça. Et comme tu disais, Étienne, on ne montre que les belles anagrammes. Je pense que c'est ce qu'il faut faire. Non, mais il y a des situations qui semblent désespérées. On voit des Z, des H, des W. Voilà. Mais c'est souvent et ça sort quand même. Ou alors, si vous voulez faire l'anagramme d'Elisabeth Schwarzkopf, je crois qu'il faut mieux le faire dans la langue d'origine. Parce que... Et vous connaissez des anagrammes en anglais, par exemple? J'en connais une. J'en connais une aussi, c'est peut-être la même. 11 plus 2. Oui. Ouais. Ça donne 12 plus 1. Mais c'est vrai aussi numériquement, c'est ça qui est extraordinaire. Ouais, c'est ça qui est extraordinaire. Ah ouais, tout à fait. Voilà. L'autre jour, Jacques m'a envoyé l'anagramme de Nicolas Sarkozy, président de la République française, qui donne plusieurs versions, 4 anagrammes possibles, je n'en donne qu'une. Crac de Neuilly, qui, pas assez libre, a refondé son parti. Dingue. Oui, c'est vrai. Il est au courant? Pas encore, je ne crois pas. Peut-être que s'il écoute votre émission, Étienne, ce qu'il doit faire certainement, peut-être l'entendra-t-il. Est-ce que vous imaginez qu'un jour vous cesserez de chercher des anagrammes, Jacques Perisalco? Est-ce que vous vivez ça comme un fardeau, une sorte d'obligation permanente, une sorte d'injonction, ou est-ce que vous le vivez sur le mode de la distraction? Moi, j'ai d'autres projets. Parce que vous êtes pianiste. Oui. Le piano, c'est un peu entre parenthèses en ce moment. Mais disons que maintenant, je joue pour mon plaisir, pas professionnellement, plus professionnellement. Mais l'anagramme, oui. Puis bon, il y a toujours un livre sur le feu, donc je suis tout le temps dans la recherche d'anagrammes. Mais j'ai d'autres projets d'écriture. Pardon, mais le monde et la matière de Jacques Perisalco, je veux dire, le monde et son langage et la matière. Donc là où nous voyons des mots utiles, Jacques voit des mots possibles à l'intérieur des mots. Donc c'est un travail infini. Et dans ce monde, il y a la musique. Est-ce qu'on peut penser l'idée d'anagramme en musique déplaçant les notes, par exemple? Mais oui, ça serait formidable qu'une mélodie... Mais je crois que Bach a fait ça. Une mélodie soit l'anagramme d'une autre? D'une autre bien connue, ça serait... Bach n'a pas fait des anagrammes de musique, mais des œuvres qui peuvent se lire de gauche à droite, comme de droite à gauche, plutôt des palindromes... Vous faites des palindromes vous-même? Ah oui. Oui, ça c'est mon premier amour, c'est le palindrome. C'est beaucoup plus difficile encore que l'anagramme, le palindrome. Il faut dire aux auditeurs ce que c'est, parce que des mots ou des phrases. Ou des phrases qu'on peut lire indifféremment dans les deux sens, de gauche à droite ou de radar droite à gauche. Élu par cette crapule. Ouais. Vous le lisez dans un sens ou dans l'autre, ça marche. Oui, voilà, où on peut faire... Vous en aviez une avec David Bowie, je me souviens. La mort de David Bowie, j'ai oublié. Oui, bah, elle m'est sortie de la tête. Mais sinon, Rue Verlaine, Génial Rêveur, où elle ramassa pas à pas sa marelle. Rue Verlaine, Génial Rêveur. Ça marche dans les deux sens. À une époque, je voulais changer la. J'habite Tours et il y a une rue Verlaine et j'avais proposé à la mairie de changer la plaque. Et mettre Rue Verlaine, Génial Rêveur. Bon, ça n'a pas été le. Ça n'a pas été retenu, mais enfin. Peut-être qu'un jour. Perry Selkov, ça va être difficile parce qu'un Y, un W. Oui, non, mais j'ai. Enfin, en français, il y a pratiquement. Enfin, c'est pratiquement une cause perdue, mais par contre j'ai un ami qui a trouvé en anglais. En anglais, il y a des solutions. Perry Selkov, ça donne workers play, les travailleurs jouent, ou alors players work, les joueurs travaillent. Vous écrivez, Jacques Perry Selkov, usé à force d'avoir servi à tous et à tout, les mots attirent pourtant les insomnieux comme moi. Les forces à s'approcher, telles des myopes, de la matrice orthographique, à jouer avec les lettres, à les réordonnancer pour en activer le secret. Quand est-ce qu'a démarré chez vous cette tendance à chercher des mots sous les mots? En fait, mon premier amour, c'était le palindrome. Et puis, m'intéressant au palindrome, forcément, j'ai mis un pied dans l'Oulipo, ouvroir de littérature potentielle et toutes les contraintes en littérature. Et forcément, j'ai découvert ce qu'était une anagramme. Et au début, je faisais l'anagramme de mes amis, parce que lorsque on est invité, plutôt que d'offrir des fleurs ou des chocolats... Offrir une anagramme. J'offrais l'anagramme à mes amis. Et puis après, je me suis dit, mais pourquoi je passerais pas au nom propre, à des personnages historiques, des expressions. Et c'est ainsi que René Descartes devint Tendre Caresse. Il était sûrement pas au courant. Mais il n'était pas au courant, non, ça, il le savait pas. Ou que Bénédictus de Spinoza, c'est encore plus fort, devint dit peu, donc bien assez. Ouais. Ce qui, pour un frénétique de l'éthique de Spinoza, est une découverte dont on ne se remet pas. Mais vous avez aussi publié des tautogrammes. Ça c'était aux éditions. Qu'est-ce que c'est qu'un tautogramme? Un tautogramme, ce sont des phrases dont tous les mots commencent par la même lettre. Par exemple, un tautogramme en E très simple, éternité, éteignez en entrant. Ou bien... éternité dans l'anagramme est étreinte. Oui, voilà. Le livre de Jacques Perry, le livre de tautogramme de Jacques Perry s'appelle, son titre l'indique, Petit propos pessimiste pour plaisanter partout. Presque partout. Presque partout, pardon. Excuse-moi. C'était presque ça. Voilà, c'était presque ça. Il manquait presque. Reste, et je me souviens de la définition de Jésus en tautogramme, c'est limpide, ça va tout seul, jamais joignable. Je me souviens de celle de Drucker aussi, non? Dimanche. Oui, c'est ça, dormir devant Drucker. Dimanche, dormir devant Drucker. Là, on s'éloigne définitivement de la science, là, alors, quand même. Continue. Raphaël Antoven, donc vous avez écrit les textes qui font le lien entre les anagrammes. Oui. Les anagrammes. Par exemple, quand vous devez passer de cette phrase « la propriété, source de l'inégalité » à l'anagramme qu'a découverte Jacques Périsselkov, qui est « origine de la prospérité actuelle », c'est assez fulgurant, on dirait du Rousseau ou bien du... C'est de l'anti-Rousseau, justement. Du Proudhon. Voilà, c'est de l'anti-Rousseau, puisque la propriété source de l'inégalité, hein, c'est ça, oui. Ce qui donne origine de la prospérité actuelle. Dans le discours sur l'origine et les fondements de l'inégalité parmi les hommes, Rousseau commence sa deuxième partie par une profession de foi anarchiste, hostile à toute forme de propriété. Il explique que le premier homme qui pose un enclos en disant « ceci est à moi », et l'origine, finalement, de l'usurpation de toute la terre. Et que n'a-t-on enlevé à cet homme le droit de s'approprier cette parcelle de terre, puisque ce geste-là est à l'origine du pire? Or, cette critique de la propriété, qui fait le fond de toute discipline anarchiste ou de toute doctrine anarchiste, quelle qu'elle soit d'ailleurs, cette critique-là, elle est contredite par l'anagramme qui présente la propriété aussi comme ce qu'elle est, c'est-à-dire l'origine de la prospérité actuelle. Donc ça permettait à la fois de citer Rousseau, de prendre le contre-pied de Rousseau et de poser que, si critiquable soit-elle, la propriété n'en était pas moins la source d'une énergie économique qui permettait de produire quelque chose. Donc c'était intéressant justement d'avoir ça sous la main pour prendre le contre-pied de Rousseau. C'est amusant. Il y a des philosophes comme ça qui semblent éclairer le cheminement qui conduit d'un énoncé à une anagramme, comme il y en a qui semblent pris au dépourvu. Par exemple, qu'est-ce que le « moi » ça donne « c'est quelque et moi ». Or, dire « c'est quelque et moi », c'est renoncer à l'idée de tout « moi » substantiel, de toute identité substantielle, stable, immuable. Or, il y a un philosophe, à la suite de Montaigne, qui est un Écossais sceptique, qui théorise ça, l'impossibilité que l'identité soit stable, et c'est David Hume. Or, David Hume est également le même qui dit que « nous ne sommes que ce que nous éprouvons ». Donc, qu'est-ce que le « moi » donne chez David Hume, immanquablement, c'est « quelque et moi ». C'est l'occasion, quand on est prof de philo, de distiller, d'injecter un peu en contrebande, un petit peu de scepticisme mitigé façon David Hume et de donc, critique de l'identité personnelle. Donc, vous imaginez faire un cours de philo à partir d'un anagramme ? Il y a des moments où ça fonctionne. Il arrive que ça fonctionne. En physique, ouais. On peut le faire. Hein. En physique, on peut le faire. La vitesse de la lumière. Je sais, je vous ai entendu déjà le faire. Limite les rêves au-delà. Voilà. Ouais. Voilà. Et cette passerelle que tu établis entre la phrase de départ et l'anagramme, c'est tout à fait passionnant, je trouve. C'était ce qui me faisait dire qu'une anagramme fonctionnait ou non quand on discutait avec Jacques. Oui, voilà, pour ne rien vous cacher, j'ai lu votre livre 3 fois. Ouais. Parce qu'il m'a en effet passionné, mais il y a des cas où vous ne rédigez pas vous-même le texte, non. Vous citez un poème. Il y a un exemple assez fulgurant, La Révolution d'Octobre, qui donne en anagramme robinet d'alcool ouvert. On voit le programme. Et là, vous citez un poème d'un auteur que je ne connaissais pas. Je vous laisse le lire, Raphaël. Ah, c'est extraordinaire. Je suis content de le lire. Tiens, c'est un chant prolétarien. Marchons au pas, camarades. Marchons au feu, hardiment. Par-delà les fusillades, la liberté nous attend. Longtemps rivés à la chaîne, la faim nous a tourmentés. Assez, assez de nos peines, nous saurons nous libérer. Brisons enfin l'insolence des nobles et des richards. En terre, plantons la lance de notre rouge étendard. Et si demain le peuple bouge aux quatre coins de la terre, flottera le drapeau rouge, le drapeau des prolétaires. Or ce texte, parfait, fonctionne très bien dans le cheminement qui conduit de la Révolution d'Octobre à robinet d'alcool ouvert. Et comment vous l'avez trouvé ? J'ai d'abord cherché sur Google « chant révolutionnaire fou ». Et je suis tombé là-dessus. Il y en a une autre dans la profondeur philosophique ne vous a pas échappé, de l'idée du libre arbitre. Ah, ça c'est qui donne la bride terrible de Dieu. Ça, c'était utile pour moi parce que Spinoza est celui qui fait la généalogie du libre arbitre. Il dit le libre arbitre, c'est une illusion. On croit qu'on est libre, on se prend pour l'origine de nos actes et en fait, on ne l'est pas. Et c'est une illusion qu'on retrouve, dit-il, dans la confection d'un Dieu personnel qui n'est en fait que notre libre arbitre exporté à la nature tout entière. Donc on n'imaginerait pas un Dieu personnel, un Dieu qui aurait la puissance d'un roi, si on n'avait pas en nous le sentiment du libre arbitre, cette illusion. Or, ce lien entre les deux est recouvert par l'anagramme, puisque de l'idée du libre-arbitre produisant la bride terrible de Dieu, moi je n'ai eu qu'à dérouler l'argumentaire spinoziste qui conduit de l'illusion d'être l'origine de ses actes à l'illusion que le monde est gouverné par une providence toute-puissante, en montrant que les deux sont liés. Donc c'est là que, pour le coup, il y a un peu de philo quand même dans ce livre. Aussi dans le journal du séducteur. Ah, le jeu cruel d'un sale tordu. Jeu cruel d'un sale tordu. Journal d'un séducteur. Du séducteur. Jeu cruel d'un sale tordu, oui. Ben dans ces cas-là, on met juste un texte. Voilà, c'est ce que vous avez fait. Il ne faut rien faire. J'aime bien aussi vision de la tolérance, le Saint-Coran dévoilé. Ça, c'est extraordinaire. Elle est très belle parce que je... Et elle permet de prendre des risques, justement. De la nécessité d'interpréter les textes sacrés. Quoi. En fait, comme si l'homme avait la charge des textes sacrés. Quoi. Mais une telle anagramme met en miroir le projet du livre lui-même, parce que le projet du livre lui-même est de dire qu'on ne peut pas s'en tenir au littéralisme, qu'on ne peut pas s'en tenir à l'énoncé littéral d'un texte. Il faut aller au-delà, il faut l'interpréter. Or, qu'est-ce que c'est que l'anagramme ? Comme un musicien fabrique des accords inédits, je veux dire, c'est une interprétation au sens musical du terme d'un texte qui est donné. De ce point de vue, on est dans une ambition musicale. On est exactement dans c'est un travail de musicien. Je veux dire, il n'y a aucune contradiction entre le fait d'être musicien et le fait d'être oulipien. France Culture, la conversation scientifique, Étienne Klein. Il y a même une anagramme dont vous servez pour proposer une réforme à l'éducation nationale. Ah bon ? L'épreuve de philo du bac. Ah oui. Anagramme, l'approche bleue du vide. Oui, ça m'a permis pour le coup de reprendre mon bâton de pèlerin et de militer, comme je fais depuis des années, pour l'extension de l'enseignement de philo aux classes de seconde et de première. Sous peine de transformer l'épreuve de philo du bac en approche... Étendre la philosophie aux classes de seconde et de première, c'est la seule façon de conjurer durablement... L'approche bleue du vide. Voilà. Oui. L'approche bleue du vide. L'épreuve de philo. Et combien de candidats bacheliers ont vécu l'approche bleue du vide le jour de l'épreuve de philo du bac? Tout ça, on aurait pu l'éviter si on avait étendu l'enseignement de la philo aux classes de seconde et de première, mais ça, c'est une autre histoire. Et puis, il y en a une autre qui m'a un peu glacé. Le sens de la vie. L'éveil des ânes. Ce qui là aussi est utile, parce qu'on se dit la vie ne vaut pas d'être vécue si on n'en connaît pas le sens. Oui, peut-être, mais c'est aussi vouloir trouver un sens à ce qui n'en a pas. C'est aussi une façon de demander à la vie de poser sur nos épaules un fardeau confortable et donc de se transformer en âne, d'une certaine manière. Il y a aussi du Freud dans votre livre. Les actes manqués cassent le masque. Les actes manqués cassent le masque, oui. C'est une anagramme qui est elle-même une sorte d'acte manqué, quoi. C'est le SMS à l'amant qu'on adresse au mari. Oui. Oui, on a tous été dans cette situation. On a tous adressé à notre mari des mots qu'on destinait à notre amant. Vous avez un mari à qui vous avez envoyé des SMS? Je ne répondrai à cette question qu'en présence de mon anagramme. Mais que les actes manqués donnent cassent le masque. Combien d'expériences dans la vie permettent ça casse, de... ouais. C'est l'avion qu'on rate et le parapluie qu'on oublie. C'est la clé qu'on sort devant la porte de la voisine. C'est le professeur qui perd ses notes ou l'élève qui casse son équerre le jour de la rentrée. Voilà. C'est la mariée livide qui dit non, je le veux. Oui, juste à celui à qui on passe la bague au cou. Oui, bah voilà. Vous avez d'autres projets, Jacques? Oui. J'ai l'impression que vous n'en sortirez jamais des anagrammes. J'essaye, mais bon, je suis toujours rattrapé par l'anagramme. Mais oui, je travaille sur palindrome, mais aussi un roman. Et puis il y a la suite. Hein. Il faut dire les choses. Je veux dire. J'ai déjà en tête la suite. J'ai reçu l'autre jour de Jacques Perry. Un tome 2. J'ai reçu l'autre jour de Jacques Perry l'anagramme. Libre penseuse. Vous la connaissez celle-là, Étienne? Non. Ça donne le sein superbe. Ça vous a plu? J'ai trouvé ça magnifique, bizarrement. J'ai trouvé ça magnifique. Bizarrement. J'ai trouvé ça extraordinaire. Fait penser à des gravures du 18e, je trouve. Oui, ça fait penser à des gravures du 18e, voilà. Ouais. Bien, les bonnes résolutions qui donnent « Oublions nos rentes », ce qu'il faut souhaiter à tout homme un 1er janvier. Bref. Ou alors une rentrée politique. Ouais, il m'est arrivé une aventure exquise le 11 février 2016. Les Américains ont annoncé, par une grande conférence de presse, la découverte des ondes gravitationnelles. Ah oui. Qui sont des espèces de d'ondulations de l'espace-temps qui se propagent à la vitesse de la lumière et qui, en l'occurrence, avaient été créées par la collision de deux trous noirs de 30 masses solaires à peu près qui avaient fusionné et... Au moment de la fusion, il y a des... Et avant de révéler l'anagramme, il faut bien dire le processus qui a permis de percevoir tout ça. Donc c'est des phénomènes extrêmement violents. Fusion de trous noirs, trois masses solaires qui deviennent de l'énergie, E égale MC2. Hiroshima, c'est un seul gramme qui devient de l'énergie. Là, c'est trois masses solaires qui deviennent de l'énergie. C'est un événement cosmique inimaginable. Et le soir, je reçois une anagramme envoyée par Jacques Perisalkov. Les ondes gravitationnelles, le vent d'orage lointain. Voilà. Alors lointain, c'est le moins qu'on puisse dire, c'est 1,3 milliard d'années-lumière. Mmh. Et puis, mais lointain, comment est-ce que vous avez trouvé cet anagramme aussi rapidement? C'est vraiment c'est Raphaël qui m'a dit, faut que tu me trouves, tu avais une émission, je crois, avec Étienne. Et il m'a dit, faut que tu trouves quelque chose. Et franchement, vu les lettres, je me suis dit, bon, un vrai miracle. Bon. Et en plus, je pense qu'il n'y a pas 36 solutions, là, pour le coup, hein, parce qu'il y a des... Là-dessus, je vous fais confiance. Juste une question. Un vrai petit miracle. Est-ce que ça t'apparaît par lecture syllabique ou par lecture globale? Est-ce que c'était un vieux débat dans l'éducation? Est-ce qu'on apprend à photographier les mots? Est-ce qu'on apprend une sorte de lecture intuitive qui a pour inconvénient chez les élèves de au fond de les inviter à deviner la fin des phrases ou la fin d'un mot? Ou est-ce qu'on le fait lecture syllabique qui a l'inconvénient de présenter les parties avant le tout? Quand tu as un énoncé sous les yeux, parfois ça va très très vite. Donc je me dis que l'intuition a remplacé le calcul au fond. Plus dans une lecture globale. Ouais, c'est très intéressant parce que en fait, la meilleure attitude, c'est de ne penser à rien, de pas vouloir imposer son vouloir dire, parce que l'anagramme, elle n'a rien à faire. Elle résiste. C'est une sorte d'enfant mal élevé qui des fois vous tire la langue, et donc il faut pas oublier qu'on doit les aider à naître. Et en fait, le mieux, c'est d'attendre que des mots surgissent. Vous voyez un mot, par exemple, les ondes gravitationnelles, j'ai vu orage en premier. Alors vous prenez les lettres d'orage. Donc, et puis il y a un mot qui surgit. Voilà. Il faut laisser surgir. C'est comme une méditation. Il faut penser à rien. Surtout pas imposer sa volonté. Ça demande pas mal de renoncement. Humilité, en fait. Ouais. Il m'est arrivé de penser à rien. J'ai jamais trouvé d'anagramme. Si, vous en avez trouvé. Le commandant Cousteau que vous avez cité tout à l'heure, c'est de vous, Étienne. Oui, tout commence à dans l'eau, mais justement, je l'ai entendu, celle-là. Ah oui, parce que tu faisais une recherche, je crois, C'était plutôt l'époque contre Pétri, avec Joël Martin. C'est une des plus belles, ça. Mais quand vous lisez un texte, par exemple un article de journal, est-ce que vous lisez normalement ou est-ce que vous êtes fébrilement en train de... En période de travail, j'ai la cervelle complètement renversée. Et c'est vrai que systématiquement, il y a une recherche constante, mais bon, maintenant le livre est fini, là je... Pour poser un peu. Oui, j'arrive très bien à mettre mon esprit au repos, quoi. Il y a une forme de poésie, parfois inattendue, à propos du film Mélancolia, qui raconte l'imminence de la fin du monde, en tout cas de la planète Terre. Là, on a une anagramme dans l'anagramme. Il y a un très beau texte de Raphaël, moi j'aime beaucoup. Mais l'anagramme est superbe aussi. La fin du monde est pour demain, qui donne arôme fou d'un matin splendide. Et Mélancolia donne ce halo malin. Voilà. Mais là, c'était l'occasion de rendre hommage à un film extraordinaire. J'envoie à Jacques, je lui parle de Lucrèce à un moment, en expliquant que dans la fameuse lettre à Ménécée de Épicure, il est dit que la mort n'était rien pour nous. Je lui envoie « Et la mort n'est rien pour nous ». Réponse de Jacques, « Empruntons la route et rions ». C'est une réponse qui, se suffit elle-même, mais qui permet quand même d'explorer la façon dont la dissipation des chimères et des illusions produit une forme de sérénité en tout individu. C'est très difficile de ne pas croire au sens caché dans ces questions. C'est très difficile, voilà. C'est ça. Résister. Il faut résister à la tentation kabbalistique. De la même manière que les choses sont plus étonnantes quand on les attribue au hasard que quand on les attribue à un message providentiel dans la vie, il faut résister au sentiment que l'anagramme dit véritablement quelque chose pour être émerveillé par tout ce qu'il ouvre. Vous avez écrit un très beau texte, Raphaël, en même temps qu'il y a un très beau dessin de Chen. Oui, j'allais en parler. Le portrait de Dorian Gray, qui donne, et là c'est quand même scotchant, l'arrogant ridé doit payer. Mais ça, c'est l'occasion de parler du dessin de Chen, parce que le dessin qui accompagne ces anagrammes, en l'occurrence, est un dessin où Chen a eu l'intuition d'une absence de visage. Donc ce sont des dessins... Chaque dessin dans ce livre est un tableau. Hein. Ce sont des tableaux à chaque fois. C'est ça, la qualité, la précision, l'intuition. C'est le travail d'un peintre. Et Chen a eu cette intelligence intuitive de se situer toujours en décalage avec les énoncés. On dit Paris est une fête, ça donne et Paris est en feu. Que fait Chen ? Il peint un tigre sur le Pont Neuf. Ce qui est à la fois limpide et inexplicable. Et on est là au cœur de son travail. Et la façon dont Chen a greffé ses propres tableaux sur ses intuitions est formidable. Il y a un premier décalage entre l'énoncé et l'anagramme. Décalage, distorsion qui impose ou non un texte. Et il y a un second décalage qui est encore plus spectaculaire entre l'énoncé, l'anagramme, l'ensemble formé par les deux, et le dessin qui vient l'illustrer, qui est d'autant plus pertinent qu'il n'est jamais explicite. Si bien qu'on a trois lectures finalement de l'énoncé. Il y a l'anagramme bien sûr, le commentaire et les encres de pour donner un exemple très simple pour que nos auditeurs l'entendent. L'espérance. L'anagramme de l'espérance, c'est la présence. Or, Chen illustre ça par le mouvement d'une danseuse. Et en fait, tout ça se tient, et je serais incapable de vous dire pourquoi. C'est un dessin très simple. Très simple, simplissime. Mais il est exactement à sa place, et il donne le sentiment d'être à sa place. Précisément parce qu'on ne peut pas dire pourquoi, pour quelle raison, c'est si juste. Mais que l'espérance soit la présence, ce qui est l'occasion pour moi, dans le texte, de déconstruire la synonymie de l'espérance et de l'espoir, et que ce soit illustré par une danseuse en suspension, ça me semble limpide, et pourtant je ne saurais pas vous dire pourquoi. La loi travail, on dirait qu'elle vous a inspiré aussi. Perdre sa vie à la gagner, Ah oui. Qui donne aspire à la grande grève. Oui, c'est un cri du cœur, ça. C'est un appel. J'ai tombé là-dessus, c'est un cri du cœur. D'ailleurs, c'est la seule où j'aurais pu dire « je hein, ». Mais vous allez vous retrouver sur des pancartes de manifestants. Enfin, je veux dire ces phrases. Peut-être qu'il y a un avenir pour l'anagramme en tant que slogan. Ça, c'est sûr. Ça, oui. C'est sûr. La révolution industrielle. Nourrit la solitude en ville. Tout est dit. Tout est dit. Et là, c'était l'occasion pour le coup de faire découvrir au lecteur l'extrait d'un chapitre du Voyage au bout de la nuit, dans lequel Céline décrit la solitude de Bardamu au milieu d'une ville qui tonitrue, qui rote, qui le dévore littéralement comme un estomac. Il se met à la fenêtre et il appelle au secours et personne ne lui répond, bien sûr. Le résultat, c'est que la révolution industrielle, comme son nom l'indique, nourrit la solitude en ville. Et la médecine aussi. Le virus Ebola. Ah oui. Qui donne à avoir le blues. C'est incroyable parce que c'est vraiment... Qui n'a pas dit une fois dans sa vie avoir le blues, c'est une expression insoupçonnable et pourtant qui contient le virus Ebola. L'honnêteté commande de dire ici que le texte qui accompagne l'énoncé, enfin qui va de l'énoncé à l'anagramme, est de Jacques lui-même. C'est-à-dire que là, pour le coup, Jacques était à la manœuvre à tous égards et je n'ai eu qu'à applaudir. Merci. Du contrat social, un accord si total. Alors ça, pour le coup, c'est très utile. Oui. Parce que du contrat social donne un accord si total. Or, la formule exacte, quand on le trouve, dans Du contrat social de Jean-Jacques Rousseau, je la cherche en vous parlant. Trouver une forme d'association qui défend et protège de toute la force commune la personne et les biens de chaque associé, et par laquelle chacun s'unissant à tous demeure aussi libre, n'obéisse pourtant qu'à lui-même et demeure aussi libre qu'auparavant. Et reste aussi libre qu'auparavant. Et ça, c'est formidable parce que Rousseau présume que le contrat social n'est possible que si les individus, au fond, abjurent la partie égoïste d'eux-mêmes. Si nous sommes tous des citoyens exemplaires voués à la chose publique, c'est-à-dire à la défense de notre liberté, si on met de côté l'égoïsme, alors le contrat social sous la forme que Rousseau lui donne est pensable. Mais Rousseau lui-même dit qu'il faudrait être des dieux pour ça et que les hommes n'en sont pas capables. Et donc ça permettait de poser la question de savoir où Rousseau trouvait dans le contrat social un accord si total. On est dans l'histoire des idées quand même, de temps en temps. Ça va même au-delà parce que on n'est pas là pour parler de physique quantique, mais vous savez, dans les années 1920, les physiciens se sont demandé qu'est-ce qui fait que la physique quantique est différente de la physique classique. Et l'un d'entre eux, qui s'appelle Paul Dirac, a dit, finalement, la physique quantique se distingue de la physique classique par le fait que les observables ne commutent pas. C'est-à-dire, si vous mesurez la vitesse d'une particule puis sa position, vous ne trouvez pas le même résultat ou les mêmes résultats que si vous mesurez d'abord sa position puis sa vitesse. Donc, l'ordre des opérations n'est pas indifférent sur les résultats obtenus. Et, la, et le spectacle n'est pas indifférent à la position de l'observateur. Voilà, c'est ce qu'on appelle la non-commutativité des observables. Mmh. Et les anagrammes fonctionnent sur le même principe. C'est, on pourrait dire que les anagrammes sont, au langage ordinaire, ce que la physique quantique est à la physique classique. Oui, par exemple, si on permute le mot indolore, on permute la première et la dernière lettre, on obtient endolori. On voit bien que c'est différent. C'est même presque l'antonyme. Et c'est très beau ça, indolore, endolori, c'est vrai, je l'avais oublié. Et de même, en fait, c'est, par exemple, si on prend un produit, AB est différent de BA en mécanique quantique. Oui, c'est ça. AB est différent de BA. C'est incroyable. Et indolore est différent de endolori. Voilà. Et en revanche, mort de Socrate n'est pas du tout différent de sort démocrate. Et il n'a suffi pour cela que de déplacer, enfin il a suffi de déplacer une lettre pour produire l'anagramme parfaite. Mort de Socrate donne sort démocrate, ce qui permet de raconter la façon dont le procès de Socrate a débouché sur sa mort. Et après tout, c'est la démocratie qui a condamné le meilleur des hommes à boire la ciguë. Donc on est là, pour le coup, quasiment dans l'histoire des idées. Est-ce que vous pensez que des livres comme celui-là pourraient être écrits dans une autre langue, dirait-on ? Un Jacques Brissalkov allemand pourrait faire la même chose, ou un anglais, ou est-ce qu'il y a quelque chose de français dans l'anagramme ? C'est une question que je me demande si c'est pas un esprit très français comme ça de jouer avec les lettres. Parce que normalement, on doit en trouver dans toutes les langues alphabétiques. Mais oui. J'ai tendance à penser que il y a quelque chose d'assez français dans le fait de faire un livre d'anagramme. Mais en revanche, c'est à Jacques d'ailleurs que je la dois. Moi, je connais même, moi qui ne suis pas germaniste, si peu, je connais même une anagramme allemande grâce à Jacques, puisque Pamela Anderson donne Daspar Melonen, que les auditeurs comprendront aisément. Mais vous quittez jamais vraiment ce sujet, Raphaël. Ah oui, ça, on retrouve la libre penseuse, effectivement. C'est vrai. Il y a peut-être des langues qui sont plus ou moins propices. Il paraît qu'il y en a en chinois aussi, alors qu'il n'y a pas d'alphabet en chinois. C'est des idéogrammes. Mais il paraît qu'on peut jouer avec la place des idéogrammes et fabriquer Mais c'est passionnant, ça. Oui. Je pensais que ça concernait que les langues avec alphabet, mais non. Ah oui. Raphaël Antoven, Jacques Brissalkov, vous avez compris que je pourrais passer des heures avec vous. D'ailleurs, on va peut-être continuer. D'ailleurs, on va peut-être continuer, c'est pas exclu. Voilà. C'était une émission très plaisante. Je vous remercie d'être passé par ce studio. Merci. C'était La Conversation Scientifique par Étienne Klein, avec la collaboration de Cyril Baer, à la technique Tristan Gratalon, et à la réalisation le génial François Connac, dont je ne connais pas encore l'anagramme.